nous nous retrouvons sur l'antenne, chers auditeurs, pour évoquer ce personnage hors du commun que fut Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Dieu lui avait parlé par un premier songe, puis par le miracle des trois Hébreux sortis indemnes de la fournaise ardente. Et maintenant, Dieu l'arrête à nouveau par un songe, qui cette fois sonne le glas sur sa carrière de dictateur universel. Nebuchadnezzar a rêvé d'un arbre grand et majestueux dont le tronc est abattu sur l'ordre du Tout-Puissant. Et alors que tous les astrologues de Babylone se sont montrés incapables d'interpréter le songe, le prophète Daniel a eu le courage de dire à Nebuchadnezzar « Le grand arbre à abattre, c'est toi !» Mais pourquoi Dieu a-t-il comparé Nebuchadnezzar à un arbre ? Un grand sage de la Bible, le patriarche Job, écrivait « Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. » Job 14, 7. Et si un arbre a de l'espérance, il en a été de même de Nebuchadnezzar. Dieu ne voulait pas son malheur. Il était prêt à lui faire grâce. Écoutons Daniel expliquer le songe au roi. « L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre » signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Daniel 4, 26. Nebuchadnezzar, l'homme qui à l'époque faisait trembler le monde, n'avait pas encore tremblé lui-même devant le Tout-Puissant. Il a fallu que le souverain des cieux parle fort pour qu'il daigne l'écouter et s'humilier devant lui. La Bible nous présente un Dieu d'amour, prêt à faire grâce à tous les hommes. Dieu n'a pas attendu que nous fassions un petit pas vers lui pour faire de son côté un grand pas vers nous. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Dieu patiente envers l'humanité entière, comme il patiente envers chacun de vous, chers auditeurs. Cependant, Dieu ne laisse pas l'homme jouer indéfiniment avec sa miséricorde et son amour. Quand l'homme s'élève contre Dieu, Dieu lui résiste. Quand il prétend savoir mieux, Dieu lui montre qu'il ne sait rien. Quand il se croit fort, Dieu lui prouve qu'il n'est rien. Il arrive même que, dans sa révolte persistante, l'homme finisse par se rendre indigne de la grâce que Dieu lui avait proposée. Il s'écarte ainsi lui-même du repentir et du pardon divin. Écrivant aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul mentionne ceux que Dieu a supportés avec une grande patience, des hommes qu'il qualifie de vases de colère formés pour la perdition. Romains 9, 22. Mais ne séparons pas ce verset de son contexte. Ici, l'apôtre Paul vient de faire allusion à Pharaon, le roi d'Égypte, qui a résisté aux ordres de l'Éternel transmis par Moïse. Son cœur s'est endurci à tel point que Dieu lui a fait savoir « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Romains 9, 17. La résistance de Pharaon a donc fait éclater la puissance de Dieu. Preuve en est le récit des 10 plaies et de la miraculeuse sortie d'Égypte pour le peuple d'Israël. Cependant, après avoir cité l'exemple de Pharaon, l'apôtre Paul a eu soin d'ajouter « Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Romains 9, 18. Pharaon a endurci son cœur. Le livre de l'Exode revient à 15 reprises à cet endurcissement qui s'est manifesté de manière progressive. Pharaon avait eu la possibilité de se tourner vers Dieu et d'obéir à ses ordres. Il ne l'a pas voulu. Et il a fini par s'exclure lui-même de toute possibilité de repentance. Dans le 4e chapitre de Daniel, Dieu agit envers Nebuchadnezzar un peu comme il avait agi envers Pharaon 10 siècles plus tôt. Mais, pour employer le langage de l'apôtre Paul, Nebuchadnezzar n'est pas devenu un vase de perdition. Il a été, entre les mains du Seigneur, un vase de miséricorde. Alors que Pharaon s'est endurci, Nebuchadnezzar a fini par céder. Encore que ce n'est pas allé tout seul. Daniel avait expliqué à Nebuchadnezzar la signification du songe. Il l'avait prévenu qu'on allait le chasser de son palais et que pendant 7 années, il partagerait le sort des animaux jusqu'à ce qu'il reconnaisse la suprématie du Très-Haut et lui rende gloire. Puis Daniel avait ajouté, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Daniel 4, 27. Mais Nebuchadnezzar n'a rien voulu savoir. Il n'a écouté ni Daniel, ni Dieu. Une année s'est écoulée. La vanité de Nebuchadnezzar a atteint un tel degré que cela ne pouvait plus durer. Je ne sais pas si Jean de La Fontaine avait lu ce récit biblique avant de composer la fable de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Toujours est-il qu'un jour, alors que le roi se promenait sur la terrasse de son palais, il a proclamé « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Verset 30. À ces mots, le roi des rois a été soudainement interrompu. Aucun de ses sujets n'avait jamais osé l'interrompre. Mais Dieu n'avait pas à lui demander permission pour parler. Une forte voix retentit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Daniel 4, 31 à 32. Ainsi, après une année de sursis, Dieu accomplit la prophétie du songe. Nebuchadnezzar demeure en vie, mais son esprit sombre dans la folie. Il est instantanément frappé de lycanthropie, une maladie mentale où le sujet est persuadé d'avoir passé à la condition animale. Nebuchadnezzar est chassé de son palais et pendant 7 années, il partage la condition des animaux. Daniel 4, 33. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Puis, aussi soudainement qu'il avait perdu l'équilibre mental, sa raison lui est revenue. Et fait bien surprenant, toute trace de schizophrénie avait disparu instantanément et définitivement. On n'a pas eu à tenir compte des antécédents du malade ou à craindre une rechute, car Dieu l'avait entièrement guéri. Aussi ses grands l'ont redemandé et lui ont rendu son trône. C'est alors que Nebuchadnezzar a confessé ses péchés et a reconnu la toute-puissance du Dieu des cieux. Nous lisons chapitre 4, versets 34 à 37. « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Rendre gloire au Dieu des cieux. Pour Nebuchadnezzar, il a fallu plusieurs avertissements successifs, puis 7 années de maladie mentale, pour qu'il consente enfin à glorifier celui qui vit éternellement. Et si Dieu a permis que Nebuchadnezzar retrouve son trône et réintègre le pouvoir, c'est parce que, devant les millions de ses sujets, il a dû rendre publiquement honneur au Dieu des cieux. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Verset 37. Il est encore une phrase, chers auditeurs, que j'aimerais relever pour terminer. Elle se trouve au verset 34 de ce chapitre 4 de Daniel. « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. » Du fond de l'abîme, où son esprit avait sombré, Nebuchadnezzar a levé les yeux pour regarder vers le ciel. La plupart des animaux ne peuvent pas regarder vers le ciel. Et Nebuchadnezzar était persuadé qu'il était devenu un animal. Mais il a tout de même levé les yeux. Alors, la raison lui a été rendue et il est redevenu le sage, le puissant, l'homme que tout le monde écoute. Quel message pour nous! Quand devant les difficultés de la vie, nous persistons à regarder à terre pour trouver du secours et recourir à des solutions humaines, nous succombons à la folie de l'incrédulité et nous risquons de sombrer dans le désespoir. Mais quand, par la foi, nous élevons nos pensées vers le ciel, nous découvrons l'amour et la grâce de Dieu. Chers amis à l'écoute, permettez-moi d'employer ce langage. Trouvez ou retrouvez votre raison. Découvrez la foi, le pardon et le bonheur en venant à Dieu par Jésus-Christ, votre Seigneur. Alors, une espérance divine remplira votre cœur, parce que Jésus-Christ sera devenu votre sauveur pour la vie et pour l'éternité.